être actif, c'est pas. Ça prend. C'est pas dit à vouloir faire quelque chose, tu vas avoir une ambition. Moi, j'ai aucune ambition. J'ai aucun désir de rien faire. Ou de faire quelque chose. Pourtant, je suis actif, je suis un gars actif, c'est bien moi. Mais c'est pour ça que je suis actif. Parce que j'ai pas d'ambition. Puis j'ai pas de désir de faire quelque chose. C'est pour ça que je suis actif. C'est pas psychologique, ça. Ça se comprend pas psychologiquement. C'est vibratoire. C'est une maudite manie qu'on a des hommes de la cinquième race de vouloir faire quelque chose. Parce qu'on était mal éduqués. Puis d'avoir l'ambition. Parce qu'on était mal éduqués. Puis tout le monde nous dit ça. Faut que tu l'ambition. Tu grandis dans la vie. Faut que tu l'ambition. L'ambition, l'ambition. Faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Les pays, nos pays nous disaient ça. Faut que tu fasses quelque chose dans la vie. Rendu à 18 ans, le gars, il cherche. Qu'est-ce qu'il m'a fait, là? Maudit chien. Il essaye une affaire, ça marche pas. Il essaye un autre, ça marche pas. Là, le personnalité en souffre une chatte. On se passe niaiseux. Puis l'autre en haut qui nous coupe la mémoire. On ne sait pas, on est des beaux niaiseux. On ne sait pas. Là, on se culpabilise. Ton chum à côté est rendu médecin, puis tu es rendu taxi driver. Tu le rencontres de temps en temps, puis il sort avec sa femme, tu rentres dans ton taxi, tu tombes, tu le regardes dans le miroir en avant. C'est maudit. Lui, il est médecin, puis moi, j'ai fait de la merde. Quand tu passes de même, tu restes dedans. Il m'a dit. Parce qu'on veut faire quelque chose. On a été mal éduqués. Fait que qu'est-ce qui arrive quand on veut faire quelque chose, qu'on a de l'ambition, qu'on développe à cause de ça, de vanité et d'orgueil, parce que la vanité et d'orgueil, elle vient toujours après le désir de faire quelque chose, puis l'ambition, mon métier tout à l'heure. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se coupe de soi-même. On se coupe de nous autres mêmes. Fait que c'est pour ça qu'on a rendu un certain âge. Nous autres mêmes, nous. Mais c'est quoi ça, nous autres mêmes? J'ai dit nous autres mêmes. J'ai pas dit moi-même. Nous autres mêmes, c'est en haut et en bas. La connexion. C'est ça, nous autres mêmes. On est nous autres mêmes. Un homme ne peut pas dire je suis moi-même. Il peut dire on est nous autres mêmes. Si je dis moi, je suis moi-même, va dire que c'est que tu penses que je fais moi en haut. Je me parle de même, là. Je suis pas être de cul, je suis là. Nous autres mêmes. Non, nous autres, on pense moi-même. C'est pour ça qu'en pensant à moi-même, on développe de vanité et de l'orgueil. Mais si t'as si un enfant grandi et tu lui expliques que c'est pas moi-même, mais c'est nous autres mêmes, il va dire automatiquement, ce qu'elle est l'autre partie, tu vas dire, attends, toi, vas-y, il va te parler. Fait que là, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de vanité, puis l'ambition est tombée à l'eau, puis le désir de faire quelque chose tombe à l'eau. Quand il arrive à un certain âge, le petit gars, il fait quelque chose. Il est actif. Mais il n'y a plus de problème psychologique de la cinquième race. Il est bien, il est comme un papillon. Lui, il est chanceux, il s'en va vers ça. Mais nous autres, on se fait pogner un certain âge par un yo-yo qui nous défait tous nos plans. Un yo-yo qui contredit toute la fondation même de notre personnalité. Fait que ça nous choque, on n'aime pas ça. Normal. Fait que l'affaire, le désir de faire quelque chose. Parce que vous êtes tous vaccinés avec ça. Là. Le désir de faire quelque chose, puis l'ambition. Vous êtes plus, là, parce que vous êtes plus avancés. Là, c'est plus tellement l'ambition. Là, l'ambition, ça, c'est parti. Ça s'en va pas mal. Les anciens. Mais il vous reste encore une affaire. Ça va être la dernière qui vous reste. L'orgueil, ça s'en va. Le vanité, ça s'en va. L'ambition, ça s'en va. Ça, je sais tout. Je parle des anciens, ceux qui sont un petit peu plus dans la vibration. Mais il vous reste encore une affaire, vous l'avez peut-être, il n'y a pas un maudit parmi vous autres qui ne l'a pas. Croteau, il l'a. Levesque, il l'a. Tout le monde, vous l'avez tout. Il n'y a pas un site qui ne l'a pas. Le désir de faire quelque chose. Plus ou moins. Ouais, bon, m'en sac. Moi, c'est le fait qui m'intéresse. Le fait. Ouais, je sais que c'est vrai. Ouais. Vous l'avez tout. Il n'y a pas un qui peut me lever le bras pour me dire que je ne l'ai pas vrai, mais vous le défoncez. Il y a-tu un qui n'a pas le désir de faire quelque chose? Hein? Ouais, pas le moins. OK. Vas-y. dans un moment de crise, comment ça se fait, la mémoire, de la sensation, tout de suite, des choses passées. Ouais. Ouais. La mesure en tout, tu peux rien contrôler. Ouais. Et si tu compares à qui, tu perds quelque chose à distance. Ouais. C'est ça. Il faut que tu perdes la mémoire. Complètement. Ouais. C'est ça. Faut que tu perdes la mémoire. Parce que la mémoire, elle fait partie de ta personnalité. C'est le compte de banque de ta personnalité, la mémoire. Puis tant que la mémoire a de l'argent en banque, ta personnalité joue des gains. Faut pas qu'elle ait une maudite à la banque. De personnalité. Là, après ça, elle est obligée de travailler rien que dans l'énergie. Là, c'est nous autres. Je peux te savoir, un petit coke? Un petit jus de pomme? Non, vraiment, un petit jus de pomme. Merci. Comment ça se pète, ça? Ah, bon. Moi, je sais inexorablement que vous allez vers ça. Inexorablement. Inexorablement. T'es dans cette phase-là, puis là, tu joues avec ça dans ta tête tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, Rama. Hein? Tout le temps, Rama. C'est son cirque, Rama. Faire quelque chose, rien faire. Faire la bonne chose. Pas perdre mon temps. Ça, c'est Rama. Tout le temps. Les femmes sont moins affectées par faire quelque chose que les hommes. Les femmes, c'est trouver quelque chose à faire. T'as pratiqué ce soir, hein? T'as pratiqué? C'est la pêche, ce matin. J'ai pas besoin d'être une femme, quoi, vraiment, dans la cadre là. C'est subtil, hein? Mais ça revient à la même affaire. C'est vrai? C'est subtil. Ouais. C'est notre expérience à tous. C'est, des fois, c'est fatigant, c'est pénible. L'homme, c'est faire quelque chose, la femme, c'est trouver quelque chose à faire. C'est subtil, la différence. Et mauditement subtil. Mais pourquoi est-ce que la femme veut trouver quelque chose à faire? Parce que la femme, elle n'a rien à faire. Laisse-moi expliquer. Quand je dis que la femme n'a rien à faire, je veux dire que la femme est une compagnie pour l'homme. Puis si elle a quelque chose à faire, la raison pour laquelle elle le fait, c'est parce qu'elle est seule. Et si elle n'était pas seule, elle n'a rien à faire. Elle sera une compagnie pour l'homme. Je ne sais pas si vous pouvez le catcher, celle-là. Bien subtile, celle-là. Bien subtile, celle-là. Même pour les femmes, tu penses que malgré ça, ils ont quelque chose à faire. Oui, ma femme, elle vient d'en sortir de cette petite illusion-là, ça ne fait pas longtemps. Elle vient juste d'en sortir, ça ne fait pas longtemps. Puis elle a goûté toutes les couleurs. Elle vient juste d'en sortir, dernièrement. Parce que pour qu'une femme puisse se réaliser, je parle d'une femme qui est avec un homme. Je parle, c'est une femme qui est avec un homme, une femme qui est seule, c'est pas pareil. C'est deux sortes de femmes différentes. Parce qu'une femme qui est seule est obligée d'être un petit peu un homme. Tandis qu'une femme qui est avec un homme, elle peut se permettre d'être une femme. Puis un homme qui est seul, il est obligé de faire un petit peu ce que la femme fait. Vous l'avez, c'est bon, hein? Il doit se nourrir, sa petite papa. Tandis qu'un homme qui est avec une femme, c'est mon papa. Fait qu'une femme toute seule et un homme toute seule, c'est pas pareil. Pis c'est ça l'erreur fondamentale du mouvement féministe, dans le monde. Là, ils veulent faire des hommes, des femmes, pis des hommes, des femmes, des hommes. Les anthropologues, puis psychologues, tous ces machins-là, ils disent, ils pensent que c'est des influences culturelles, puis c'est relatif à chaque nation. Il n'y a rien de relatif dans l'univers, tout est absolu et tout a une fonction. Et plus les civilisations vont vers des apogées, autrement dit, plus les civilisations se raffinent, plus les hommes et les femmes rentrent dans leur rôle réel. Une femme qui a mis des petits au monde, genre, il est temps qu'elle prenne un break à sortir. Un gars, il travaille jusqu'à 45 ans, 50 ans, il sortit. Une femme, c'est la même chose, il faut que ça sortir, une femme, quelque part. Mais bien subtil, une petite illusion. Les hommes ont quelque chose à faire, puis les femmes pensent. Qu'est-ce que c'est, j'avais dit? Ah, pas de même que je l'ai dit. Rien. En tout cas, je me rappelle plus ce que j'ai dit, mais je sais que je l'ai dit. C'est enregistré. Je t'ai pas dit de même. En tout cas, du moins que vous n'avez pas eu la vibration. Hein. On ne réalise pas une chose quand on va vers la conscience. C'est qu'on ne réalise pas, on réalise à un certain point, mais on ne réalise pas que quand on va vers la conscience, on s'en va vers un dénuement total de la personnalité. Un homme ou une femme qui va vers la conscience va vers un dénuement total de la personnalité. Un déculottement total de la personnalité. Pour que la personnalité serve l'intelligence universelle. Sur le plan matériel. C'est ça, justement, qui nous amène à cette conscience-là. C'est ce dénuement-là. C'est pour ça que s'il y en a qui commencent à sentir de temps en temps qu'ils perdent de l'ambition ou qu'ils perdent du désir de faire quelque chose, c'est très normal. Dans le cas de la conscience supramentale de la sixième race, pas dans le cas de la conscience inconsciente de la cinquième race. C'est pour ça que tu ne peux pas expliquer ça à des membres de la cinquième race. Parce que ça va être frustré. Parce que ça va contre la psychologie sociale. C'est normal. Il ne s'agit pas de trouver la psychologie sociale, de troubler la psychologie sociale. Il s'agit de nous autres de rentrer dans notre propre psychologie individuelle. La nôtre. C'est pas facile. Je vais faire une analyse d'ambition. L'ambition provient de l'orgueil de l'ego et de la vanité de l'ego. Plus un ego a de l'orgueil puis de la vanité, plus il y a de l'ambition. Même si l'orgueil et la vanité sont des valeurs bien placées. C'est l'orgueil et la vanité de l'ego qui donne à l'ego la force, la motivation pour développer ce que vous appelez l'ambition. Le désir de faire quelque chose provient du désir de l'ego de ne pas perdre face devant l'humain. Parce que l'ego, il se compare toujours à d'autres égos. Il se compare. Ah, il ne veut pas perdre face devant l'humain parce qu'il a de l'orgueil. ou de la vanité, automatiquement, il est obligé de constamment nourrir le désir de faire quelque chose, dont requiert la personnalité pour sa survivance. L'ambition, c'est une drogue subtile de l'ego. Puis le désir de faire quelque chose, c'est une manœuvre subtile de la personnalité, imposée à l'ego. Puis un va avec l'autre. Fait que si vous commencez à sentir une perte de ces quatre éléments-là ou des deux derniers éléments, c'est un bon signe. Mais vous avez trouvé ça tard. Parce que vous êtes habitué depuis des années et des années et des siècles à penser d'une certaine façon. Puis plus vous trouvez ça tard, mieux c'est. Parce que plus c'est tard. Trouvez ça tard. C'est plat. On sent qu'on n'a plus de valeur. Hey, on sent qu'on n'a plus de valeur. Ouais. Je voulais expliquer un petit peu l'affaire de la sécurité mentale. Fait quand tu perds ces quatre-là, tu rentres dans la sécurité mentale. Puis à ce moment-là, l'énergie descend. Tu deviens actif et tu fais ce que tu as à faire. Mais plus pour le bénéfice de ta personnalité. Ça fait partie de la vie, ta vie, ainsi de suite. Puis ça t'amène où ça doit t'amener, selon le changement vibratoire de ton corps mental supérieur, selon le degré de ton intelligence créative, ainsi de suite. Quand tu travailles dans quoi? Quand tu travailles là-dedans, quand vous faites de la motivation? Bon, OK, moi, vous expliquer quelque chose dans votre cas. Quand on devient conscient, ça, c'est comme une femme qui fait une tarte aux pommes dans la cuisine. Elle commence, à part avec l'idée qu'elle va faire une tarte aux pommes. Elle roule sa pâte. Elle est rendue à trois quarts de sa tarte. Tout d'un coup, le mari arrive, puis il dit, je t'ai amené des bleuets. Ou tout d'un coup, il a mis ses pommes déjà. Il dit, je t'ai amené des bleuets. Elle met un petit peu de bleuets avec ses pommes. Ça fait une tarte différente. Moi, ça, c'est la même chose. Si vous faites quelque chose dans le domaine de la motivation qui est bon pour les gens, ainsi de suite, avec votre compréhension, votre sensibilité, votre vibration, ainsi de suite, votre intelligence qui grandit, bien, vous ajoutez des bleuets dans les pommes. Fait que vous donnez une nouvelle vibration à un enseignement qui serait purement mécanique. Et l'enseignement, au lieu d'être purement mécanique, devient un petit peu plus vital. Fait qu'il y a peut-être des éléments dans votre enseignement qui, un jour, pourront coïncider avec d'autres niveaux d'intelligence de ceux qui auront pris ces cours-là. Moi, je suis capable de donner des cours de motivation aux jeunes. Mais je vais toujours leur parler en fonction de demain. Fait que de demain, s'ils grandissent dans un autre état d'intelligence, mais ils ne souffriront pas des cours qu'ils auront appris en motivation. Parce que déjà, les cours qu'ils auront appris en motivation bénéficieront d'une sorte de perfection, autrement dit d'une sorte de luminosité, qui leur permettra d'agencer à d'autres choses. C'est ça un bon enseignement. Un bon enseignement laisse toujours une porte ouverte à quelqu'un. Fait que si vous enseignez quelque chose qui est mécanique et qui est lié à la personnalité, bien, laissez une porte ouverte. Puis la porte ouverte, bien, c'est le petit grain de sel que vous pouvez mettre qui va fermenter dans l'esprit de ces gens-là. Puis ça va toujours être proportionnel à votre intelligence, à votre compréhension de vous-même. Fait que vous n'avez rien à perdre. Au contraire, vous pouvez colorer et ajouter de la couleur à ce que vous dites. Au lieu que ce soit simplement des théories d'un tel, puis d'un tel, puis d'un tel, que ça devient du matériel digital, dans lequel vous insérez des principes vitaux, réels, à l'intérieur d'une théorie mécanique. Il n'y a aucun travail mécanique qui est détruit par la conscience créative. Au contraire, il est allégé, il est changé, il est transmuté, il est rendu plus parfait. Bon. Les choses là, que vous rencontrez, que vous réalisez que vous ne pouvez pas dire, c'est parce que vous n'êtes pas capable de les dire d'une façon haute encore. Mais ça va venir. Éventuellement, vous allez pouvoir les dire d'une façon haute, mais ce n'est pas le temps parce que votre personnalité est encore trop impliquée dans votre travail. Mais quand votre personnalité sera plus impliquée dans votre travail, vous pourrez les dire ces choses-là, mais ça sera utilisé d'une façon haute. Quand attendez. Dans 4-5 semaines, vous allez voir, vous allez dire quelque chose, là, puis ça va vous rester dans la tête, vous m'en reparlerez quand on se reverra. Dans 4-5 semaines, vous allez dire quelque chose qui est autre. Ça va passer, puis ça va se mélanger à la fête, ça va bien paraître, ça va être intéressant. Vous m'en reparlerez, OK? Bon. C'est eux autres qui déterminent quand est-ce que vous allez dire quelque chose. Attends, vous préparez. La maturité mentale, c'est un pas au-delà de la centricité. Ça fait partie de la centricité, mais c'est un pas au-delà de la centricité. La centricité, c'est un point de référence personnel pour l'homme. C'est un point de référence qui permet à l'homme d'être bien dans sa peau. La centricité mentale, c'est l'aspect créatif de cet homme centrique-là. Quand un homme est dans la centricité mentale, ou dans la sécurité mentale, sa centricité, au lieu d'être purement statique, elle devient créative. Alors, la centricité, c'est l'équilibre parfait entre l'ego et la personnalité. Et la sécurité mentale, c'est le point où la personnalité sert l'intelligence créative. Il y a un homme qui rentre dans ce stage-là, bien, bien. Il est centrique parce que la centricité provient du travail qui a été fait antérieurement. Puis la sécurité mentale vient après. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que il y a bien des gens qui pensent qu'ils sont centriques. Et effectivement, ils sont centriques. Seulement, leur centricité n'est pas parfaite. Parce que leur centricité est fondée encore sur le fait que leur personnalité n'est pas totalement au service de l'esprit. Autrement dit, ils ont encore de la personnalité personnelle. Alors, c'est subtil la fête d'être centrique. On peut penser qu'on est centrique. Mais tant que notre centricité n'est pas ajustée, autrement dit, tant que notre personnalité n'est pas transférée au niveau de notre esprit, qu'il n'y a plus de moi-même, à ce moment-là, notre centricité n'est pas parfaite. On tend vers la perfection de la centricité. Puis c'est ça, la sécurité mentale. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects dans le domaine de l'intelligence. L'homme sans tête, c'est pas qu'est-ce que c'est l'intelligence. D'ailleurs, l'intelligence, c'est un mystère. Anyway. C'est un mystère, l'intelligence. C'est un mystère parce que ça se comprend pas. Bien qu'une partie de l'homme qui essaye de comprendre l'intelligence et sa personnalité, ça se comprend pas d'intelligence. C'est de l'énergie, l'intelligence. Ça se comprend pas d'énergie. Ça se vit, ça se canalise. Ça peut être exploité. Mais ça se comprend pas d'intelligent. Moi, je comprends pas ça d'intelligent. Mais ça se vit d'intelligent. Nous autres, on veut comprendre ça d'intelligence. On veut comprendre ça de la volonté. On veut comprendre ça de l'amour. Ça se comprend pas de la volonté, l'intelligence puis de l'amour. C'est de l'énergie. D'accord, d'énergie, ça se comprend pas. Parce que comprendre, ça fait partie de la personnalité. Quand tu n'as plus de personnalité, tu ne comprends plus rien. Mais quand on est dans notre personnalité, là, on essaie de comprendre ça de la volonté, puis de l'amour, puis de l'intelligence, puis c'est là qu'on développe des théories, comme vous parlez, puis c'est là qu'on développe la spiritualité, puis c'est là qu'on développe des théories scientifiques. Psychologie, l'intelligence. Je ne comprends pas, ça va là. Ça fait partie de la personnalité, comprendre. Mais ça se vit. C'est ça, la vie. La vie, c'est le mouvement, ces trois énergies-là. Merci. Fait que quand on est dans la sécurité mentale, on a vu l'intelligence, on a vu la volonté, on a vu l'amour, puis à ce moment-là, on est bien. On la comprend pas. Fait que tant qu'on veut comprendre quelque chose, mais la personnalité est pas dedans, là. C'est pour ça que l'ego est toujours... il est toujours à la recherche, puis il est toujours à se cramponner après quelque chose. Cramponner par quoi? Maudite habitude qu'on a. Bye, quelque chose. C'est pas ça, être centré. Ah, c'est pas ça, être centré. Ça, c'est se concentrer. Quand t'es centré, t'as pas besoin de te concentrer, t'es tout concentré. C'est pas... Être centré, c'est pas laisser couler l'énergie. Elle coule tout le temps, l'énergie. Comment elle ne laissera pas couler, elle coule pareil? Ah, se mettre à l'écoute, c'est la spiritualité. C'est encore la personnalité. Elle passe tout le temps. Bah, si elle passe, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous mettez-les dedans. Non, si on la capte, là, disons que... Comment ça, vous la captez? Elle est toujours là. À part qu'on ne l'a pas comme branché? Si on essaie de devenir conscient... Tu peux pas essayer de devenir conscient, c'est impossible. Tu peux pas essayer de devenir conscient. C'est impossible d'essayer de devenir conscient. Voyons que c'est ça. Ça, c'est essayer de faire quelque chose. On est où, je dis? Non, non. Je vous l'ai dit, est-ce qu'on va? Pour demain. Si on pense qu'on est dépensé sur les trucs, là, on se branche là-dessus, on est dans ça, la tranche de qualité de toi. On essaie de réaliser ça, et puis, ça porte là-dedans une. Comme les gens, je suis très complètement, mais tout ce qui vient de moi, là. Je vais être centrée, je vais essayer d'aller vers les idées qui me viennent. Mais comme arrière-plan, j'ai une raison qui me fait faire ça. Ma raison, ça va être premièrement d'abord de gagner ma place dans ma vie. Il faut bien que je mange. Si j'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, ouais. Il faut bien que je fasse quelque chose pour gagner ma vie. Ouais. Bon. Est-ce que je suis dans la. La sécurité mentale, quand j'apporte, je laisse filtrer cet élément-là qui arrive. C'est un état, la sécurité mentale, c'est pas une attitude. Vous, c'est des, là, ce que vous parlez, c'est des attitudes. La sécurité mentale, c'est un état, c'est pas une attitude. Vous dites, essayez d'être à l'écoute. Être à l'écoute de quoi? Ah! Être à l'écoute, c'est être spirituel. C'est tendre l'oreille de l'ego vers l'esprit de la conscience. Mais c'est pas l'esprit de la conscience qu'il nous faut. C'est la conscience qu'il nous faut. Ben, je vous l'ai dit au séminaire. Pas l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, si vous êtes dans l'esprit de la conscience, vous serez jamais dans la conscience. D'abord, l'esprit de la conscience, la conscience, c'est un mot. C'est de l'énergie de la conscience. L'esprit de la conscience, c'est l'attitude de l'homme envers cette énergie-là. Puis, ça peut être spirituel, ou non, ça peut être philosophique. Et être à l'écoute. À l'écoute de quoi? À l'écoute de quoi? Écoute, je suis vraiment tôt. Ça vient là, vous n'avez pas besoin d'être à l'écoute. Quand ça te parle dans ta tête, ça te parle dans ta tête. Comment ça, tu ne voudras pas l'entendre, ça te parle dans ta tête pareil? comme tout, comme des inspirations, mais il faut quand même cacher ça un peu. Genre, c'est des efforts, non? Ben oui, naturellement, vous faites des efforts. Mais les efforts que vous faites, ça n'a rien à faire avec la conscience. Il n'y a pas d'effort dans la conscience. Ça fait partie de votre état, votre acheminement vers cette conscience-là. Ça fait partie de votre état spirituel. Du raffinement de votre personnalité, du rapprochement de votre personnalité et de votre ego. Mais, dans la conscience, il n'y a aucun effort. Vous êtes dans l'esprit de la conscience, C'est pour ça que vous essayez de vous mettre à l'écoute à ça. Vous n'avez pas besoin de mettre à l'écoute à la conscience, vous êtes toujours là, conscient. C'est ce qui a bloqué qui doit être éliminé. Ce qui doit être éliminé, bien, c'est ça. Lâchez-le. Vous faites des efforts pour rien. L'autre question, tantôt, par... Non, sauvez-vous pas, continuez. Il y avait d'autres choses à dire, ça. Vous comprenez pas parce que vous essayez de comprendre ça. J'essaie de dissuader tout le monde, de faire comprendre à tout le monde que c'est vibratoire, ça, puis c'est dans le temps que ça vient graduellement. Tu peux rien faire. Comment tu te mettrais sur un piédestal ou tu te mettrais sur un... Tu prends n'importe quelle position. Tu peux rien faire. La conscience, c'est un combat entre l'ego et la lumière. C'est ça, la conscience. C'est un combat, pas une participation de l'ego. L'effort, ça fait partie du déconditionnement. Et pas dans le déconditionnement, ça fait partie du déconditionnement. Quand il y a l'effort, c'est parce que vous êtes encore dans la personnalité. Si vous étiez réellement dans la conscience, si vous étiez dans la conscience, vous réaliseriez une chose, que la conscience, c'est l'équilibre parfait entre l'ego et la lumière. Puis quand l'équilibre n'est pas parfait entre l'ego et la lumière, il y a un combat entre l'ego et la lumière pour rendre cet équilibre-là parfait. Sans ça, vous allez toujours être dans l'esprit de la conscience. Je suis un cul à conscience. J'en parle tout le temps. Pourquoi je suis un cul? Parce que je sais que l'ego doit combattre constamment ses interférences. Fait que tu comprends que quand l'ego est en paix avec lui-même, c'est-à-dire que quand il est totalement en dehors des interférences de la conscience, il est bien. D'abord, ça, c'est un combat. La conscientisation de l'homme, c'est un combat pour détruire, pour éliminer complètement la personnalité, pour la mettre au service de l'esprit. Là, vous cherchez la conscience comme des chiens qui cherchent des moutons dans les champs. Laissez-le faire, la conscience. La conscience, elle se grandit en vous autres, puis elle grandit en vous autres, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, vous rendez pareil. Non, tu ne te branches pas sur les branchés. Tu sais, ça va être branché. Tout le monde se branche. Pauline, machin, elle se branche. C'est branché pendant des années de temps. Elle a aussi que je débranche. Se brancher. Ça va être branché. Mais disons, je vais se brancher. C'est pas vous autres qui demandent, c'est pas vous autres qui écrivent, vous êtes obligés de les subir jusqu'à temps que vous n'avez plein de cash, puis quand vous n'avez plein de cash, vous n'avez plein de cul de la conscience. Moi, je n'ai plein de cul de la conscience. C'est subtil ce que je dis là. Vous autres, la conscience, c'est comme un gros toutou, une grosse patente. Ouais. Là, vous commencez à être conscient. Quand tu commences à avoir plein de cul de la conscience, quand tu commences à être conscient, tant que tu n'as pas qu'un puits à conscience, tu n'es pas conscient. Tu es dans l'esprit de la conscience. L'esprit de la conscience, c'est quoi? C'est l'esprit de la personnalité. Ben, c'est normal. Normal. L'esprit de la conscience. Il faut vous sortir de l'esprit de la conscience pour rentrer dans la conscience. Puis quand vous êtes dans la conscience, laissez-moi te dire, vous avez plein de puits à conscience. Quand tu es dans le vide, tu es intéressé au vide. T'es pas intéressé à un remplissage. La conscience va te faire passer avec des interférences. Moi, je suis bien quand tu me sacres la paix. Eux autres, pas quand tu me pailles que je suis bien. C'est quand tu me sacres la paix que je suis bien. Quand tu me pailles, tout de la merde au bout du poteau. Tout le temps. Où c'est toi qui me parle? Ou s'ils me disent une bonne nouvelle, ils me disent laisse faire. Je verrai tout à l'heure. Crisse-moi la paix. Quand ils me disent dans deux semaines, tu vas être une bonne quelqu'un qui va te visiter, tu vas être bien content. Je dis, mange de la merde. Parce que je sais que dans deux semaines, ils vont être obligés de casser encore des ponts, de casser des ponts. Ils me font pas de faveur, eux autres, moi. Vous autres, vous avez été tellement spiritualisés par la civilisation que tout ce que vous voyez, c'est des faveurs, puis tu Jésus en haut, puis tu Christ en haut, tout la gang. C'est vrai, quand vous allez comprendre ce que je comprends, vous allez sortir de votre esprit de conscience. C'est pour ça que mec, j'écrive mon livre, ça va être un livre maudit parce qu'il va faire sauter bien du monde. Il y a bien du monde qui va sauter. Il y a tout de même, vous autres. Moi. Merci, tu te demandes. Ouais, tu t'en sors. Si tu sais pas quand t'en sortir, c'est parce que t'as pas de volonté. C'est là que tu vas développer ta volonté. Ouais, c'est à cette place que t'as développé. Je sais que vous connaissez du cosmos, vous autres. C'est le cosmos. Quand vous allez comprendre ça, le cosmos, comme je le comprends, vous allez voir être en maudit. L'autre, elle se demande pourquoi c'est pas d'orgueil. Je te comprends. Parce que moi, je me voyais parler, je me disais la même chose. Il est bien orgueilleux, ce gars-là. Hé, hey, Chris, il vient un temps dans l'évolution de l'homme qu'il faut qu'on sache ce qui se passe dans l'univers, puis dans nous autres, puis dans tout. On n'est pas des yo-yo. C'est parce que vous n'avez pas assez souffert encore. Quand vous avez souffert comme moi, c'est la conscience d'un cœur maudit. Vous êtes tous des humains, c'est ça votre problème. Vous n'êtes pas des âmes encore. Allez donc dire ça, millionnaire. Allez dire ça, millionnaire, là, qui se promène en gros yacht dans le sud, dans les Caraïbes, que ça vaut pas la peine d'avoir vécu, qui va crisser à l'eau. Certains, il a raison, parce que dans son corps, ça va la peine d'être vécu. Il est bien. Il mange du steak à tous les soirs. La vie, ça va à peine d'être vécu, hein, quand t'es immortel. Quand t'es pas immortel, ça vaut pas à peine d'être vécu. Même si c'est mieux. Être immortel, ça va être inconscient. Ouais, mais il y a une nuance dans ce que je dis. Quand je dis que je n'ai pas inclus la conscience, je dis que je n'ai pas inclus l'esprit de la conscience. C'est l'esprit de la conscience que je ne suis pas intéressé. Pas conscience, la conscience c'est là, la conscience c'est dans tout, c'est dans la chaise, c'est dans mon drink, c'est dans mes culottes, c'est partout la conscience. Mais vous autres, vous êtes en dehors de la conscience, vous êtes dans l'esprit de la conscience, vous n'êtes pas dans la conscience. Oui, je suis dans la conscience. Puis quand t'es dans la conscience, c'est dans l'inconscient. Puis quand t'es dans la conscience, c'est dans l'inconscient. Parce que déjà, tu es déjà assez content. Tu es assez content. Mais non! Tu peux pas rien faire quand tu rencontres la conscience. Faut que t'attendes qu'il surgisse plus. On peut s'accrocher à ça. Bon, ouais. Tant que vous avez de la personnalité. Tu peux rien faire quand t'es dans la conscience. Tu peux rien faire. Tu peux pas rentrer dans la conscience. Il n'y a pas un être humain qui peut rentrer dans la conscience. Tu peux rentrer dans la spiritualité, mais tu peux pas rentrer dans la conscience. La conscience, c'est le contact entre juste la pensée et l'âme. Ça n'a rien à faire avec l'ego, cette affaire-là. L'ego en bénéficie. Tu bénéficies de la conscience. Mais tu peux rien faire pour rentrer en conscience. Il n'y a pas un ego qui voudrait rentrer en conscience. J'aurais bien voulu, moi, que quelqu'un me dise, tu vas rentrer en conscience en telle année, blablabla. Comme je dis souvent, si j'avais été initié par un maître, je l'aurais tué, l'enfant de chien. Je l'aurais tué. Il n'y a pas un ego. Comment il m'aurait dit, tu vas être en conscience? Conscient, moi, tu souffres assez, chose, quand tu rentres en conscience. Tu n'es pas intéressé à rentrer en conscience. Mais quand tu rentres dedans, tu es bien. Mais tant que tu rentres dedans, tu n'es pas intéressé. Combien de fois, moi, j'ai dit, je n'ai plein de cas conscience. Parce que c'est une souffrance de l'ego, la conscience. C'est quand les principes de l'ego sont ajustés que là, tu souffres plus. Quand tu te fais rentrer du 220, t'es guéri du 50, Charlie, tes fils sautent. Comment tu voudrais, tu voudrais pas? Tes fils sautent. C'est quand tes fils ont de la résistance que tu prends le 120, t'es bien. Mais vous là, vous avez des fils de 50, puis vous voulez rentrer à 220, vous avez assez haut. Wow. Ça, c'est l'esprit de la conscience. C'est les préconceptions que vous avez du réel. Vous avez toutes des préconceptions du réel. Tout ce que vous avez dans la souffrance, là, vous sautez. Là, il se développe. Là, vous réalisez des choses en vous-même quand vous rentrez dans la souffrance. Moi, j'ai rencontré Croteau cette semaine, j'y ai parlé. Là, j'ai parlé. J'ai pas parlé longtemps. Je l'ai vu longtemps, mais je l'ai pas parlé longtemps. J'ai parlé 45 minutes de temps. Là, il y a une vibration qui a passé, qui travaille. C'est ça de la conscience. C'est ça le mouvement d'énergie. C'est ça qui l'amène à cette énergie-là. C'est pas lui qui s'est imposé ça puis qui s'est cherché ça. L'esprit de la conscience. Moi, je pensais aujourd'hui, je pensais à tout ce que je voulais vous dire, là, que dès mon moment du passé, là, ça doit être, moi, je vais dire, c'est pas comme j'ai dit. C'est un peu comme un certificat que tu dis, et des collègues de ce que tu dis, c'est okay. Si tu n'as pas de geste, s'il ne veut pas déconnecter ton ordinateur, l'ordinateur va être comme ça. Ouais, ouais, ouais, mais tu peux pas déconnecter ta mémoire. C'est pas toi qui rentre ta mémoire? S'ils veulent vous rappeler quelque chose que vous avez fait vous avez deux ans, ils vont vous le rappeler, ils vont vous passer dans la tête. C'est plus bon, là, il est resté longtemps dans ces pensées-là, je suis échappé. Bon, ouais, mais quand tant que vous les chassez, tant que vous essayez de les chasser, c'est parce que vous êtes encore dans l'esprit de la conscience. Un jour, vous ne pourrez même pas les chasser. Ils vont vous bombarder avec ça, puis ils vont vous bombarder, puis ils vont vous bombarder, puis ils vont vous bombarder. Ils peuvent vous bombarder pendant des années de temps, 24 heures par jour. C'est là qu'ils font sauter la mémoire. Quand vous avez mal de tête, hein, comment tu prendrais des aspirines? Il reste, l'enfant tienne. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Ça, je dis quand je vous dis, occupez-vous donc de vous autres. Ça veut dire, laissez-les faire la conscience. Ça travaille la conscience. J'ai un CA, ils sont assez contents en haut, chérie. Ils sont assez contents. Nous plugger finalement. Y en a-t-il un parmi vous autres qui est comme il était avant de me rencontrer? Il n'y en a pas, hein? Bon, c'est ça de la conscience. Comment tu voudrais être comme tu étais avant? T'es pas capable, t'en sais trop déjà. Quand je vous dis que c'est pas vous autres, vous pensez, mais c'est final. Je pourrais faire venir un séminaire pour vous dire, bon, tu penses ce que tu penses, puis c'est pas toi qui penses, puis c'est eux autres qui te mettent des pensées dans la tête, puis ça changerait votre vie. J'ai pas besoin de vous garder là 3 jours. Je vous garde là 3 jours parce que vous avez des personnalités. Si vous n'aviez pas de personnalité, je ferais ça en 10 minutes, je sacrerais mon camp chez nous. Non, faut que je garde 3 jours parce que vous allez dire, ah, mais Chris, on est venu 3 jours, on a payé 100$, 200$, on n'a pas pour notre argent. Quand je dis, les gens gueulent dans le séminaire, ils disent, comment ça se fait qu'on tous souffre, ça fait 20 ans que je suis ça. Ben oui, tu souffres, ça fait 20 ans que tu souffres inconsciemment. Mais tu souffres consciemment, c'est un opé là-bas. Tu peux pas rentrer en conscience pour souffrir. C'est impossible. Impossible. Quelque part dans le temps, faut que tu souffres. Moi, c'est impossible! Puis je veux plus, moins, plus vite, moins vite, fou de ça. Il y a quelque chose qui se passe en dedans, sans ça, il se passera rien, tu ne ferais pas. Ça serait des orages de pelules qui deviendraient des êtres spirituels avec des auras gros comme la maison. On était mal informés, mal éduqués, puis on ne comprend rien. Fait que 22, on est poigné. Puis on est capable, on a la chance, dans ce cycle-ci, de tout défaire ça. C'est ça, conscient. Mais comment tu voudrais être conscient? Si t'es pas pour être conscient, tu peux pas être conscient. Ça dépend de l'évolution de l'âme. Es-tu prête, l'âme, à faire la connexion avec eux autres en haut? Faut que l'âme soit prête. Si l'homme n'est pas prêt à faire la connexion avec eux autres, comment est-ce que ton ego, cette santé, serait voudrait bien être spirituel, puis voudrait bien être ici, puis voudrait bien être ça? Puis comment tu serais un maître? Tu vas devoir mourir pareil? Ça meurt des maîtres? C'est pas des immortels, des maîtres? Pourtant, c'est des êtres sages, mais ils ont des cycles à passer encore.